Le matin, on met les chevaux par quatre, avec des torches et des quenouilles, liens garnis de paille pour maintenir tous ces chevaux. Cela a demandé du temps. Et puis en route. Tous les jours, j'étais traité de la même manière que le premier jour. Quel changement dans ma position! Comme je me trouvais heureux de coucher dans un bon lit, ce pauvre orphelin ne couchait plus sur la paille. Enfin, tous les soirs, j'avais à souper. Je considérais ces messieurs comme des envoyés de Dieu à mon secours. Nous arrivâmes à Nangis-en-Brie, le huitième jour avant la foire, et j'eus tout le temps de connaître mes deux maîtres. L'un se nommait Monsieur Potier et l'autre Monsieur Usé. Celui-ci était aimable, spirituel et poli. Monsieur Potier était petit et laid. Je me disais, si je pouvais être chez Monsieur Usé, pas du tout, c'est chez Monsieur Potier que l'heureux sort m'attendait. Je pars donc de Nangis le vendredi pour Coulommiers. J'arrive à 3 heures dans une grande cour, à cheval, comme un pacha à trois queues, monté sur mon joli bidet. Voilà madame qui paraît. Eh bien, mon garçon, et votre maître ne vient pas ce soir? Non, madame, il ne viendra que demain. Que l'on mette le cheval à l'écurie, venez avec moi. Comme je marchais à côté de madame, me voilà assailli par quatre grosses filles de la maison qui se mettent à crier « Ah, le voilà, le petit Morvandio !» Combien ce nom me faisait de peine. Mon petit chapeau à la main, je suivais madame. « Allons, dit-elle, laissez cet enfant. Allez à votre ouvrage. Venez, mon petit. » Comme elle était belle, madame Potier, car c'était bien la femme du petit que je redoutais. Je ne l'appris que le lendemain. Quelle surprise pour moi de voir une si belle femme et un si vilain mari. « Allons, continue-t-elle, il faut manger un morceau et boire un coup, car on ne soupe qu'à 7 heures. » Et voilà madame qui me fait parler de notre voyage, et je lui dis, « Madame, tous les chevaux sont vendus. Êtes-vous content de votre maître ? Oh, madame, je suis enchanté. » « Ah, c'est très bien ce que vous dites là. Aussi mon mari m'a écrit que vous étiez un bon sujet. » « Je vous remercie, madame. » Le soir à 7 heures, on soupe. C'était le vendredi. Je vois une table servie comme pour un grand repas, tout en argenterie, timbales d'argent, 2 paniers de bouteilles. On me fait appeler pour me mettre à table. Quelle est ma surprise de voir 12 domestiques, garde-moulins, charretiers, laboureurs, filles de laiterie, femmes de chambre, boulangères et femmes de peine. Le tout formait 18. Les 6 autres étaient à Paris avec des chariots qui menaient les farines pour les boulangers de Paris. Ils faisaient le voyage toutes les semaines. Il y a 15 lieues de Coulommiers à Paris. Il y avait sur cette table 2 plats de matelote. Je croyais que l'on donnait un repas en ma faveur. On me fait mettre à côté d'un grand gaillard, et madame lui recommande de me servir. Il me donne un morceau de carpe. J'en étais honteux de voir mon assiette pleine de poissons. J'aurais pu en faire 2 repas. Il s'aperçut que je mangeais peu. Il mit un morceau de pain dans sa poche et me le présente à l'écurie en me disant « Vous n'avez pas mangé, vous êtes trop timide. » Comme je l'ai dévoré à mon aise, du pain blanc comme de la neige. À 9 heures, il vient une grosse fille faire mon lit dans l'écurie. J'étais bien couché. Un lit de plumes, un matelas, des draps bien blancs, je me trouvais heureux. Le matin, mon grand camarade me mène à la salle à manger pour déjeuner, avec ma demi-bouteille et du fromage. Dieu, quel fromage ! Comme de la crème et du pain de gonesse avec le vin du pays. Je lui demandais ce que je ferais. Il faut attendre que madame soit levée, elle vous le dira. Eh bien, je vais panser mon bidet, le faire boire, et nettoyer l'écurie. Je pétillais du désir de travailler. Le garçon d'écurie était parti à la ville. Je profite de cette occasion pour nettoyer toutes les écuries. Madame arrive et me trouve habit bas, le balai à la main. Qui vous a dit de faire cela? Personne, madame. « Eh bien, ce n'est pas votre ouvrage, venez avec moi. Chacun fait son ouvrage dans notre maison. Mais vous avez bien fait. Quand mon mari sera venu, il vous dira ce que vous devrez faire. Allons au jardin, prenez ce panier, nous rapporterons des légumes. Savez-vous bêcher ?»« Oui, madame. »« Ah, tant mieux. Je vous ferai travailler quelquefois dans notre jardin, car chez nous chacun fait son ouvrage. Personne ne s'en dérange. » Je rentre à la maison et vais visiter les moulins à chamois. De retour à la maison, quelle est ma surprise de voir mes 2 maîtres qui cherchaient madame. « Te voilà, mon ami, » dit madame Petit à son vilain mari, car c'était bien celui auquel je désirais le moins appartenir, et c'était l'homme par excellence, tant par le cœur que par la fortune. Monsieur Usé salue et se retire. On me fait venir. « Ma femme, » dit mon maître, « voilà un enfant que je t'amène de la Bourgogne. C'est un bon sujet, je te le recommande. Je te conterai son histoire plus tard. » Et moi qui étais là bien timide. « Eh bien, » dit-il, « vous êtes-vous ennuyé, mon garçon ? Allons voir nos chevaux. » Et le voilà à me faire voir toutes les écuries, les moulins, et les domestiques de saluer leur maître. Ce n'était pas un maître, c'était un père pour tout le monde. Jamais il ne lui échappait une expression déplacée. Il me dit « Demain, nous monterons à cheval pour vous faire voir mes laboureurs et mes terres. Il faut que vous soyez à même de connaître tous les morceaux qui m'appartiennent. » Je me disais « Que va-t-il faire de moi ?» Il parle à ses laboureurs et à ses autres ouvriers, toujours avec un ton affable. Puis il dit « Allons voir mes prés. » Et toujours il me parlait avec bonté. « Faites attention à tout ce que je vous montre et les limites, car je pourrais vous envoyer faire une tournée quelquefois pour voir mes laboureurs et mes autres ouvriers, pour me rendre compte de ce qui est fait. Soyez tranquille, je rendrai un fidèle compte de tout ce que vous me direz. Il faut que je vous mette au fait de tout. Vous prendrez toujours votre bidet, car les routes sont longues. » Nous fûmes bien 3 heures dehors. « Allons, me dit-il, rentrons à la maison. Demain, nous irons ailleurs. » Enfin, il me mit au courant de tous les détails de la manutention du dehors. 8 jours se passent ainsi, en tournée, de part et d'autre. Le 9e jour, il vient un orage épouvantable. Voilà les eaux qui inondent la maison, arrivent de toutes parts. Tout le monde était bloqué. Il se trouvait encore des chevaux à l'écurie. Ni maître ni garde-moulin ne pouvaient sortir, et moi de courir d'une écurie à l'autre, car l'eau montait à vue d'œil. Enfin, je barbotais comme un canard. Les chevaux en avaient au-dessus des jarrets, mais l'eau n'a pas pénétré dans la maison. Il y avait 3 étables, où les porcs couraient grand risque d'être noyés, vu qu'ils étaient sous voûte. Monsieur Potier me fait venir et me donne une pince du moulin, et me dit « Tâchez de délivrer les cochons. » « Soyez tranquille, je vais de suite. » Et me voilà dans l'eau. Je ne croyais pas pouvoir arriver, mais enfin, parvenu à la première porte, je fais une percée et l'eau m'aide à ouvrir. Voilà mes gaillards sortis et nageant comme des canards. Je vais en faire autant aux 2 autres étables. Mes 18 cochons étaient sauvés, et tout le monde de la maison de me regarder par les croisées. Monsieur Potier, qui ne me perdait pas de vue, me guidait. « La petite porte de la cour est-elle fermée ?»« Non, monsieur. » »« Les cochons vont sortir, ils suivront le cours de l'eau. » Je me suis mis à traverser la cour, dans l'eau qui était maîtresse de mes forces. Je n'arrive pas assez à temps. Voilà un des cochons qui enfile la porte et suit le courant. Monsieur Potier, qui s'aperçoit que j'ai un déserteur de parti, court à l'angle de sa maison et me crie « Prenez votre bidet et tâchez de gagner le devant. » Je cours à l'écurie, mets le bridon à mon bidet et fais jaillir l'eau pour attraper mon déserteur. Monsieur Potier me crie « Doucement, appuyez à droite. » Ses paroles se perdent, je prends trop à gauche, je me plonge dans un trou où l'on avait amorti de la chaux. Du même bond, mon cheval me sort du trou. Je ne voyais plus. Comme je tenais mon cheval ferme de la main droite, je m'essuyai la figure et poursuivis ma bête qui filait dans les prés. Enfin, en luttant contre l'eau, je gagne le devant de mon cochon. Lorsqu'il eut le nez tourné du côté de la maison, il revient comme je le désirais. Arrivé dans la cour, je lâche mon bidet bien transi de froid. Mes maîtres m'attendaient sur le perron, et les grosses filles de regarder ce pauvre petit orphelin, trempé, pâle comme la mort. Mais j'avais sauvé le cochon de mon maître. « Venez, mon ami, me disent messieurs et madame, venez vous changer. » Ils me mènent dans leur belle chambre, où un bon feu était allumé, et les voilà à me déshabiller, tout nu, comme je suis venu au monde. « Buvez, disent-ils, ce verre de vin chaud. » Les voilà qui m'essuient comme leur propre enfant, et m'enveloppent dans un drap. Monsieur Potier dit à son épouse, « Ma chère amie, si tu lui donnais une de mes chemises neuves, il pourrait bien l'essayer. Tu as raison, ce pauvre petit n'en a que 2. Eh bien, il faut lui donner la 30. » « Tiens, il faut lui payer sa bonne action. Je vais lui faire cadeau du pantalon et du gilet rond que tu m'as fait faire. Il sera habillé tout à neuf. Bien, mon ami, tu me fais plaisir. » Monsieur Petit me dit, « Vous gagnerez 18 francs par mois et les profits, 3 francs par cheval. Monsieur et madame, combien je vous remercie. Si vous vous étiez noyé en sauvant notre cochon, vous avez mérité cette récompense. » Je me vois habillé comme le maître de la maison. Dieu que j'étais fier. Je n'étais plus le petit Morvandio. Comme il se prêtait à m'habiller, je dis « Mais monsieur, il ne faut pas m'habiller. Et les chevaux, et les cochons. Il faut que je retourne à mon poste, mes habits seraient perdus. Tu as raison, mon enfant. » Ils vont chercher des vêtements à leur neveu, et me voilà en petite tenue. Je me trouvais seul. Le garçon d'écurie était à la ville, et les gardes-moulins ne voulaient pas se mettre les pieds à l'eau. On me donne un grand verre de vin de Bourgogne bien sucré, et je me remets à l'eau. Je donne le foin aux chevaux. Je bloque mes 18 cochons dans une écurie qui était vide. Pour cela, je prends une grande perche et poursuis tous mes gaillards devant moi, et finis par être le maître. Je peux dire que j'ai barboté 2 heures ce jour-là. Le soir, l'eau avait disparu, les charretiers arrivent de toutes parts, et moi de rentrer à la maison, de changer de tout et de me coucher de suite. Le vin sucré me fit dormir. Le lendemain, je n'y pensais plus. Monsieur et madame me firent demander de venir et m'emmenèrent dans leur chambre. Ils m'habillèrent tout à neuf. Après le déjeuner, monsieur Potier dit au garçon d'écurie, « C'est le Nobidet. » Et nous voilà partis pour voir des gros fermiers et acheter des blés. Mon maître fit des affaires pour 10 000 francs et nous fûmes traités en amis. Sans doute que monsieur Potier avait parlé à ses gros fermiers. On me fit beaucoup d'amitié et je fus mis à table près de mon maître. Il faut dire que j'étais bien décrassé. J'avais l'air d'un secrétaire. S'ils avaient su que je ne savais pas la première lettre de l'alphabet. Mais les habits de monsieur Potier me servaient de garantie auprès de ces messieurs. Et dame, après dîner, nous partîmes au galop. Nous arrivâmes à 7 heures, et on me fit changer de place à table. Je vois mon couvert près de monsieur Potier à sa gauche, et madame à sa droite. Et le premier garde-moulin près de madame, qui servait nos maîtres les premiers. Il faut dire que monsieur et madame étaient toujours au bout de la table. On pouvait dire que c'était une table de famille. Jamais on ne disait « toi » à personne, toujours « vous ». Le dimanche, monsieur demandait « qui veut de l'argent ?» Tous les domestiques étant réunis, monsieur Potier leur dit « Je nomme ce jeune homme pour vous transmettre mes ordres. Je lui confie les clés du foin et de l'avoine. C'est lui qui fera la distribution à tous les attelages. » Tout le monde me regarde, et moi, qui ne savais rien du tout de cet arrangement, j'étais tout confus. Je n'osais lever la tête. Enfin, mon maître me dit « Vous allez venir avec moi à la ville. » J'étais content d'être hors de la table. Monsieur Potier me donne des clés et me dit « Partons, nous allons voir des greniers de blé considérables. Eh bien, êtes-vous content de moi ? Ma femme aura soin de vous. Monsieur, je ferai tout mon possible pour que vous soyez content de moi. » Aussi, je me multipliais. Le soir, le dernier couché, le matin, le premier levé. Le lendemain, la sonnette m'appelle pour me donner l'ordre que je transmis à tous les domestiques. Le plus grand me dit « Monsieur, que dites-vous ? Je ne suis pas monsieur, je suis votre bon camarade. Dites-le à tout le monde. Je suis au gage comme vous. Je ferai mon service. Je n'abuserai jamais de la confiance de monsieur et de madame. J'ai besoin de vos conseils. Comme je suis le plus ancien de la maison, vous pouvez compter sur moi, » dit-il. Je peux dire que tout le monde me fit bonne mine. Comme c'était moi qui faisais la distribution du son, de l'avoine et du foin, on me faisait la cour pour avoir la bonne mesure. Monsieur Potier me grondait quand il trouvait du son dans les auges. « Mes chevaux sont trop gras, je vais y veiller pour que cela n'arrive plus. Il ne faut pas leur faire la ration aussi forte. Donnez-moi la mesure du son et de l'avoine, je m'y conformerai. Ils prennent des corbeilles et vont au moulin les remplir. Maintenant, ils n'y mettront pas les pieds. Toutes les distributions seront à leur place. C'est très bien, » dit mon maître. Voilà tous les charretiers et laboureurs rentrés. Se voyant servir, ils me disent « On nous fait donc notre part ? Vous m'avez fait gronder, c'est monsieur qui a mesuré le son et l'avoine, et m'a dit « Ne tolérez personne, je veillerai à tout cela, soyez-en sûrs. » Le lendemain, il arrive 2 gros fermiers qui déjeunent. Monsieur Potier me sonne et dit « Passez dans mon cabinet, vous m'apporterez 10 sacs. » Je les apporte, Dieu que de piles d'écus dans ces sacs. Je reste chapeau à la main. « Jean, » dit-il, « faites sceller nos bidets, et nous partirons avec ces messieurs. » Madame me dit « Habillez-vous proprement. Voilà un mouchoir et une cravate. Elle a la bonté de m'arranger. Allez, mon petit garçon, vous voilà propre. » Comme j'étais fier, je présentai le cheval à mon maître, et je tins l'étrier. Cela l'a flatté beaucoup devant ces messieurs, car il me l'a dit depuis. Les voilà tous 3 à cheval. Je suivais en arrière, plongé dans mes petites réflexions. Arrivé à une belle ferme, on mène nos chevaux à l'écurie. Et moi je me tiens dans la cour à voir ces belles meules de blé et de foin. Un domestique vient me chercher pour me faire mettre à table. Je refusais, disant « Je vous remercie ». Le maître de la maison me prend par le bras et dit à mon maître « Faites-le mettre à table près de vous ». Je n'étais pas à mon aise. Enfin, je mangeais du premier plat servi et je me levais de table. « Où allez-vous ? » me dit le maître de la maison. « Monsieur Potier m'a permis de me retirer. C'est différent. » J'étais flatté de me voir à une table servie comme celle-là. Je me la rappelle toujours. Madame la fermière, après le dîner, m'invite à voir sa laiterie. Je n'ai jamais rien vu de si propre. Des robinets partout. Tous les 15 jours, me dit-elle, je vends une voiture de fromage. J'ai 80 vaches. Elle me ramène au réfectoire pour me faire voir sa batterie de cuisine. Tout était reluisant de propreté. La table, les bancs, tout était ciré. Ne sachant que dire à cette aimable dame, je lui dis « Je conterai tout ce que j'ai vu à Madame Potier. Nous y allons trois fois l'hiver dîner et passer la soirée, comme l'on est bien reçu chez Monsieur et Madame Potier. Ces messieurs arrivent. Je me retire. Monsieur Potier me fait signe et me met 24 sous dans la main. Vous donnerez cela au garçon d'écurie. Faites brider et nous partirons. » On amène nos deux bidets. La belle fermière dit à Monsieur Potier « Le bidet de votre domestique est charmant. Il me conviendrait. Si mon mari était galant, il me l'achèterait, car le mien est bien vieux. » « Eh bien, voyons cela, » dit celui-ci. « Veux-tu l'essayer ? Fais mettre ta selle et monte-le. Tu verras comme il va. » On apporte la selle de côté. Je lui dis « Madame, il est très doux. Vous pouvez le monter sans crainte. » Voilà madame à cheval et qui part au trot. Va en tous sens, à droite et à gauche, disant « Il a le trot très doux. Je t'en prie, mon mari, fais-moi cadeau de ce bidet. » « Eh bien, monsieur Potier, il faut le lui laisser, » dit le mari. « Nous nous arrangerons. Combien me le vendez-vous ? » « 300 francs. « Ça suffit, te voilà contente. Maintenant, c'est toi qui donneras le pourboire au garçon. »« Oh, tout de suite, venez, » me dit-elle. Elle me met 6 francs dans la main et me fait seller son vieux cheval. Et nous voilà partis au bon trot. « Quelle bonne journée pour moi, » monsieur Potier me dit. « Je suis content de vous. »« Je vous remercie, monsieur. Cette dame m'a fait voir la laiterie et sa batterie de cuisine. » Que tout cela est beau. Ce sont de vrais amis. Madame n'est pas fière. Le lendemain, on vient chercher le vieux bidet, et M. Potier me dit « Vous prendrez celui que nous avons amené de votre pays. Demain, nous allons ensacher de la farine. Il nous en faut 100 sacs pour Paris. C'est vous qui prendrez le boisseau. Je vous montrerai cela. Demain, vous boirez un coup à sec. Il faut que vous appreniez à tout faire. Chez nous, vous n'aurez jamais d'ouvrage comme les autres. Je vous mettrai au courant de bien des ouvrages. Il faut que vous sachiez tout faire. » Le lendemain matin, il me présente au garde-moulin et lui dit « Baptiste, voilà Jean que je vous amène. Il faut lui montrer à manier le boisseau. Il sera à votre disposition toutes les fois que vous en aurez besoin. Il est rempli de bonne volonté. Mais monsieur, sera-t-il assez fort pour manier le boisseau avec moi ? Soyez tranquille, je vais présider à tout cela. » Voilà monsieur Potier qui prend le boisseau et me montre « Faites comme cela. » Je voulais lui prendre la mesure des mains. « Non, me dit-il, laissez-moi finir ce sac. » Je m'empare du boisseau et je le manie comme une plume. À mon premier sac, Baptiste dit à M. Potier, « Nous en ferons un homme. » « Je vais rester près de vous, » dit mon maître. « C'est inutile, » dit Baptiste. « Nous nous tirerons d'affaire tous les deux. » Enfin, je m'en acquittai de mon mieux avec cet homme un peu dur. Cela dura toute la journée, comme j'avais mal aux reins. Nous n'en avions fait que 50 bâches. Il fallut recommencer le lendemain. Enfin, j'en vins à bout à mon honneur. Monsieur et madame s'aperçurent d'une petite pointe de jalousie de la part des domestiques à mon sujet, et ils profitèrent du moment de mon absence pour leur conter mes malheurs. Ils leur dirent que je n'étais pas destiné à faire un domestique, que mon père avait beaucoup de biens et qu'il avait perdu ses 4 enfants. « C'est moi, » dit Monsieur Potier, « qui ai retrouvé celui-ci. Les autres sont perdus. Je veux qu'il sache tout faire. Je lui montrerai à tenir la charrue, » lui dit le premier laboureur. « Ah, c'est bien. Je vous reconnais là. Je le mènerai avec moi quand vous voudrez. Eh bien, prenez-le sous votre protection, je vous le confie. Ne le fatiguez pas, car il est plein de courage. Soyez tranquille, je lui montrerai à semer. Je lui donnerai mes 3 chevaux. » J'arrive le soir de porter des invitations à 3 lieues, et je rapportai les réponses. Je me mis à table. Monsieur et madame me firent des questions sur les personnes à qui j'avais remis les lettres. Je répondis que partout on avait voulu me faire rafraîchir, que je n'avais rien pris. Je vois tous les domestiques qui me regardent. Le premier laboureur dit à table, « Jean, si vous voulez, je vous mènerai avec moi demain. Je vous ferai faire un sillon avec ma charrue. »« Ah, vous me faites bien plaisir, mon père Pron. » C'était le nom de ce brave homme. « Si monsieur le permet, je partirai avec vous. » »« Non, » dit monsieur Potier, « nous irons ensemble. » En route, monsieur me dit que ce brave homme s'était offert de me montrer de tenir la charrue, et il ajoutait, « Il faut en profiter, car c'est le plus fort de notre pays. » Une fois arrivé, « Voilà votre élève, » dit monsieur, « tâchez d'en faire un bon laboureur. »« Je m'en charge, monsieur. Voyons, faites-lui faire un enrayage. » Voilà le père Pron qui dresse sa charrue et place ses 3 chevaux sur une ligne droite et me fait prendre des points de vue très loin et des points intermédiaires de place en place. Il me dit, « Regardez entre les 2 oreilles de votre cheval de devant les points que je vous montre. Ne faites pas attention à votre charrue. Tenez vos guides et fixez bien vos 3 points. Aussitôt que le premier sera dépassé, vous en ressaisissez un autre. » De suite, j'arrive au bout de mon rayage. Je regarde ma première raie. Elle était droite. C'est bien, monsieur Petit, ça n'est pas tremblé. Je suis content, ça va bien, continuez. » Il eut la complaisance de rester 2 heures et il me ramena à la maison où madame l'attendait. « Eh bien, lui dit-elle, et la charrue, comment s'en est-il tiré ?»« Très bien. Je t'assure que Pron est content de lui. Ça fera un bon laboureur. »« Ah, tant mieux, ce pauvre enfant. Pron a eu une bonne idée de se charger de lui montrer à tenir la charrue. Je veux qu'il apprenne à semer. Il commencera par semer des vesses et puis du blé. » Le lendemain, je m'aperçus que tous les domestiques me faisaient une mine gracieuse. Je ne savais ce que cela voulait dire. C'était monsieur et madame qui leur avaient conté mon histoire. Enfin, je fus l'ami de tout le monde. Monsieur Potier avait 7 enfants. C'est moi qui allais les chercher dans les pensions et les ramenais. C'était des fêtes pour eux et pour moi. J'étais de toutes les parties, à pied et en voiture. C'est moi qui réglais tous les petits différends entre les demoiselles et leurs frères. Monsieur Potier me dit, « Nous partirons demain pour la foire de Reims. Il me faut des chevaux pour Paris. Il m'en faut qu'ils soient bien appareillés. C'est pour des pairs de France. Ils les veulent tout dressés et de 4 à 5 ans. Vous aurez le temps de vous exercer. » Il fait appeler son garçon marchand de chevaux. « Je vous emmène avec nous à 5 heures demain matin, à cheval, pour la foire de Reims. Il nous faut 50 chevaux. Voilà les tailles et les couleurs. Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage. Vous connaissez votre affaire. Partez ce soir. » On fait prévenir M. Usé de venir s'entendre pour le départ et de prendre un domestique avec lui pour mener le cheval, qui portait les valises. Nous voilà partis à midi. Nous arrivâmes à Reims 3 jours avant la foire. Le vieux piqueur de M. Potier eut tout le temps de parcourir toutes les campagnes pour signaler tous les chevaux qui nous convenaient, et il revient avec le signalement de 30 et des arrhes avaient été donnés. Le vieux piqueur dit « Je crois avoir fait une bonne affaire. J'ai une liste de 100 chevaux que j'ai tenus. J'ai tous les noms des particuliers. » La foire fut terminée en 3 jours. Le total fut de 58 chevaux. Nous eûmes le bouquet de la foire. Ces messieurs étaient contents de leur voyage, et tout fut réglé dans 2 jours. En route pour Coulommiers, où nous arrivâmes sans accident. C'est là que je fus mis à l'épreuve pour dresser tant de chevaux. Au bout de 2 jours, on les met au manège, 20 par jour avec des caparaçons sur le nez, comme ils faisaient des sauts. On finit par les réduire et les rendre dociles, pas un jour de repos, pendant 1 mois de manège. Et puis au charaban, au cabriolet, à la selle, comme ils s'allongeaient sur la paille. Il dormait comme un pauvre qui a sa besace pleine de pain. Nous les menions dans les plaines, elles étaient sauts dans les terres labourées. Je montais sur l'un, sur l'autre, je tenais la discipline sévère avec tous ces gaillards-là. Je corrigeais les mutins et flattais les dociles. Cette manœuvre dura 2 mois sans relâche. J'étais fatigué, j'avais la poitrine brisée, j'en crachais le sang, mais j'en vins à bout, à mon honneur. Monsieur Potier écrivit à ses gros matadors de Paris que ses chevaux étaient prêts. Au lieu de répondre, ils arrivèrent avec de belles calèches et des domestiques tout galonnés. On met leurs chevaux à l'écurie. Monsieur Potier, le chapeau bas, les conduit au salon et madame paraît, comme elle avait un port majestueux. Ses gros ventres se lèvent pour la saluer. Elle se retire et fait apporter des rafraîchissements. Elle fait demander si ces messieurs lui feraient l'honneur d'accepter son dîner. Ils répondirent qu'ils acceptaient avec plaisir. Le dîner fut magnifique. Monsieur Potier me fit appeler. « Dites à tous les palefreniers de tenir les chevaux prêts. » Je vais mener ces messieurs visiter les chevaux. Je donne les ordres et tout fut prêt. Ces messieurs voulurent voir l'établissement, dont ils furent enchantés, et passèrent aux écuries pour visiter les chevaux et les faire sortir. « Les voilà tous par ordre, » leur dit M. Potier. « Faites-les sortir. » On demande le numéro 1 avec bridon et couverture. On me présente le cheval. Je le fais trotter. Monsieur me dit « Montez-le ». Je le fais marcher au pas en tenant mon bridon. Et là, la main bien placée, je saute. Ils n'eurent pas le temps de me voir monter. Je le fais trotter et le présente devant ces messieurs qui le flattent en disant « C'est bien ». Numéro 2, dit mon maître, « On me présente le cheval. Montez-le, disent ces messieurs. Au pas, au trot, ça suffit, à un autre. » Et ainsi de suite jusqu'à 12. On me demande alors « Sont-ils tous dressés comme ces 12-là » Je vous l'assure, ça suffit. Ce petit jeune homme monte bien un cheval. « Il est bien hardi, dit mon maître. Demain nous les mettrons au charaban. Vous avez des harnais pour cela ? Tout est prêt. En voilà assez pour aujourd'hui. Nous voudrions voir la ville. Voulez-vous que l'on mette les chevaux à votre voiture ? Ça serait mieux. Nous vous demanderons la permission de vous amener 2 convives. Tout ce qui peut vous être agréable. Jean, fais mettre les chevaux à la calèche. » Et les voilà partis. Mon maître était content. « Jean, me dit-il, nous ferons une bonne journée, ça va bien. Vous vous en êtes bien tiré. C'est vous qui servirez à table. Faites un peu de toilette. Voyez, ma femme, il faut aller à la ville faire apporter ce que j'ai commandé, et vous faire donner un coup de peigne, et vous mettre en dimanche. Me voilà de retour bien poudré. Madame me met au courant de mes fonctions, et la table servie, elle va faire une toilette magnifique. Comme elle était belle. Ces messieurs arrivent à 6 heures. Ils étaient 6. Monsieur va les recevoir, le chapeau à la main. Eh bien, monsieur, nous sommes de parole. Nous vous amenons 2 convives. Soyez les bienvenus. Monsieur reconnaît le sous-préfet et le procureur de la République. On se met à table. Madame fit les honneurs. Rien n'y manquait. Ni moi, la serviette sur le bras, ni les laquais des messieurs qui étaient derrière leur maître. Tous mangeaient sans parler au premier service. L'un des laquais était découpeur et présentait les morceaux tout coupés que nous présentions à ces messieurs, qui en refusaient souvent. Au second service paraît un brochet monstre et des écrevisses superbes. « Ah, madame, dit un convive, voilà une pièce rare !»« C'est vrai, disent-ils tous. » Mais le sous-préfet ajoute, « Monsieur Potier a un réservoir superbe, il prend des anguilles magnifiques !» Enfin, les louanges pleuvent de toutes parts. Le champagne arrive, voilà tout le monde en gaieté. Monsieur leur dit, « J'ai passé par Épernay, et j'en ai fait une petite provision. »« Il est parfait, dit le sous-préfet. » Le dessert servi, on nous fit retirer, et madame demande la permission de s'absenter pour un moment. On lui répond, « Toute liberté, madame. » Madame donne ses ordres et dit à son mari, « Ces messieurs prendront du punch pour finir la soirée. Ça va sans inconvénient. » Le sous-préfet dit, « Je vous prie de prendre ma maison pour votre hôtel, et j'invite monsieur et madame à me faire l'amitié de venir dîner chez moi. » Nous viendrons voir vos beaux chevaux. » Ces messieurs arrivent à midi pour voir atteler. Tout était prêt. On voit en suivant la liste. Prenez le char à banc et la calèche, ça irait plus vite. Amenez par ordre 4 par 4. Les voilà attelés, moi conduisant le char à banc et le piqueur, la berline. Faites un tour devant la maison pour que nous puissions voir. Ils sont très beaux, disent ces messieurs. Sont-ils tous dressés comme ces quatre-là? Oui, messieurs, répond M. Potier. « Si ces messieurs désiraient voir un beau cheval, c'est une folie que j'ai faite à Reims. Voyons-le. Jean, allez le chercher. » Il était tout prêt. Je le présente devant ces messieurs. « Oh » s'écrie-t-il, « qu'il est beau. Faites-le monter. » Je dis au piqueur, « Prenez-moi le pied pour l'enjamber, il est trop haut. » Lorsque je fus sur ce fier animal, je le fais marcher au pas, au trot, et je le présente. « C'est bien, dit le maître, au laquais, montez-le, que je le vois mieux. » Le jeune homme était plus leste que moi. Comme il le manœuvrait. Ramenez-le, en voilà assez. Le piqueur le présente devant son maître, le chapeau bas. Monsieur, dit-il, les mouvements sont très doux. J'ai trouvé sa place, dit le pair de France. Il conviendra au président de l'Assemblée. Mettez-le en tête de vos comptes, tous vos chevaux sont acceptés. Vous recevrez mes ordres du départ pour Paris. Vous les accompagnerez, et ce jeune garçon viendra pour les conduire. S'il veut rester à mon service, je le prendrai. Je vous remercie, monsieur, je ne quitte pas mon maître. « C'est bien, je vous donnerai votre pourboire. » Ils montèrent en voiture et saluèrent tous, monsieur et madame. « À 6 heures, dit le sous-préfet, sans manquer. » Mon maître dit, « Que la voiture soit prête à 5 heures. Jean, faites votre toilette, vous nous conduirez. » Mon maître et madame furent reçus avec affabilité par tous ces messieurs. Toutes les autorités étaient au dîner, et le couvert de ma maîtresse était auprès de monseigneur. La soirée finit à minuit, et le lendemain, ils partirent pour Paris. M. Potier reçut l'ordre de partir le vendredi pour arriver le dimanche à l'école militaire où il se trouverait à midi précis pour recevoir ses chevaux. Mon maître fait prévenir M. Usé que tous les chevaux étaient vendus. « Ce n'est pas possible, disait-il. Nous partons le lendemain à 6 heures avec 93 chevaux et une voiture de son pour la route. Je menais le beau cheval en main tout seul. Nous arrivons à 10 heures à l'école militaire où nous trouvons tout prêt. Il y avait un aide de camp et des écuyers. On distribue le son de suite, et on fait le pansement. Les pieds des chevaux furent bien noircis. À midi, tout était prêt. »